Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Bon, allez, il est temps de retrouver nos amis du nord de la France maintenant. Et oui, les ch'tis. Puisque bah, depuis la semaine dernière, là, je vous repasse des extraits de cette grande émission, les ch'tis à Ibiza. Belle grande émission d'ailleurs. Magnifique aussi émission. En plus. Oh. Ah oui, c'est vrai, tout le monde est là-bas, t'imagines. Tout le monde y est, ouais, sauf c'est moi. Ça, exactement. Ouais. Donc voilà, donc c'est une émission donc, qui aurait pu s'appeler aussi d'ailleurs à la recherche du plus grand crétin de France. Ah, c'est pas vrai. Mal. C'est vrai qu'on aurait pu y penser. Mais bon, alors hier, on a révisé le français. Et aujourd'hui, on va réviser l'anglais. On vous en avait parlé. Hein. Oui, parce qu'à Ibiza, on parle espagnol, on parle anglais, mais bon, français un petit peu moins. Et avec Christopher, on sent qu'il a bien appris ce qu'il devait apprendre. Écoutez bien. Alors je me suis mis tout de suite en action. Excuse me, want to drink everything? Yes. But beer et comment paye? Ouais. Attends, j'ai rien compris. Ah bon, ben on va le remettre. Attends, je me suis mis tout de suite en action. Excuse me, want to drink everything? Yes. But beer et comment paye? That's a bear. Alors, excuse me, want to drink want everything. Want to drink everything. Je veux boire, excuse-moi. Okay. Tu veux boire ou je veux boire? Je sais pas ce qu'il a dit, parce qu'on a pas compris le début. Want to drink everything. En tout cas, il veut tout boire. Est-ce que tu veux tout boire? Et c'est ça qui est important. Okay, voilà. C'est vraiment ça. Ouais. Il propose tout. Et comment qu'on paye? Oui. Hein, comment paye? Comment paye? Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, en fait, c'est comment paye. Hein. Allez, viens paye. Ben oui, c'est ça. Voilà. Donc là, voilà, ils essayent de savoir en fait comment les gens comptent payer l'addition en fait. Et donc, on s'est beaucoup moqué des garçons, mais il y a aussi les filles. Oui. Plutôt bonne, mais très conne. Oui, bon, enfin, on peut pas, je peux pas les défendre hein, à ce niveau-là. Je peux pas faire mieux. Écoutez bien. Les gens n'ont pas trop compris parce qu'ils savaient pas trop ce que je faisais là. No French. I'm model for the boutique of the restaurant. Quoi? Les gens n'ont pas trop compris parce qu'ils savaient pas trop ce que je faisais là. No French. I'm model for the boutique of the restaurant. Parce que c'est. Et Julie, toi, tu es journaliste for The Info. Ah oui, for The Info, ouais. D'accord, ok. Non, mais c'est quand même chaud d'être aussi mauvais. Je crois que même Nabil de la Libre Antenne, il est pas aussi mauvais. Ah, tu penses? Tu t'avancerais pas un Tu t'avances un peu, écoute. Alors, comment est-ce qu'on dit, est-ce que les animaux sont autorisés, Nabil? Pets, it's good or not? Ah, ça, c'est Nabil. Faudrait aussi envoyer Nabil, là, les animaux sont autorisés, Nabil. Pets, it's good or not? Je propose que vous partiez avec Nabil. Qu'il est con, celui-là. Ouais, il y a moyen ouais, de quelque chose, on revient avec 2-3 trucs là. Ouais, je pense que ça peut être bien. Ouais. Je pense Nabil que ça peut être bien. Bizarre. Ouais, mais la pire, donc, c'est Anastasia. Alors écoutez, Anastasia chez donc, les ch'tis à Ibiza. Il y a pire. Ouais, si, il y a pire. Écoutez bien. La meuf, quand même, au début. Ah, c'est pas celui-là que je voulais mettre. Tant pis, ça n'a pas marché. Bon, bah, je vous le mettrai tout à l'heure alors, le Anastasia. Il n'a pas fonctionné. Bon, bah, soyez là tout à l'heure, je vous mettrai Anastasia et vous allez voir que Anastasia, c'est le caviar du caviar, le top du top, la crème de la crème, voilà. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio, Mickaël à la radio tous les matins. Sachez qu'on est là et avec plaisir. Tout à l'heure, on aura la ligne anti-relou qui sera là, évidemment. Forcément. Vous allez pouvoir laisser vos messages. En tout cas, donnez le numéro à tous les relous qui, eux, laisseront leur message au 0473 86 0013. Voilà. Mais avant cela, nous allons maintenant jouer. On va faire une petite déclaration express. Et qui est là pour la déclaration express? Bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien, et vous? Eh ben, ça va aussi, ça va bien. Tu fais quoi aujourd'hui? Là, je suis en pleine réflexion pour mes cours, parce que bon, bientôt, je reprends. Ah bah oui. Ah oui. Là, il est temps de sortir. Il est en pleine réflexion. Oui, mais c'est bien, il faut réfléchir. Mais oui, c'est important. Il se pose et il réfléchit. C'est pas mal. Bon, ça fait démarrer le cerveau, comme ça. Le plus important, c'est que je suis en train de... J'espère que grâce à vous, ben, je pourrais essayer de récupérer... Céline, parce que bon, alors, justement, l'année passée, ah, voilà. Difficile quand même. Donc t'es pas encore sorti avec elle, mais t'aimerais bien, c'est ça? Voilà, c'est ça. Très bien. Et tu as fait appel à nous pour la déclaration express. Et sache que tu as bien fait. Mais oui, tu as très bien fait. Voilà. Alors attention, on va y aller. On l'appelle et donc dès que tu l'as au téléphone, tu lui dis ouais, j'ai un truc à te dire. Écoute et nous on démarre derrière, d'accord? Ok. Allez, c'est parti. Ce sera sur The Pot of Gold. Vous êtes disponible pour le moment. Bon, c'est pas grave, sur le répondeur, tu dis salut Céline, blablabla, bla, bla. J'ai un truc à dire, écoute bien, d'accord? Appuyez sur l'étoile pour d'accord? Il est en pleine réflexion. J'espère qu'il a entendu. Oui, allô, Céline, c'est Olivier, j'avais envie de te dire, écoute ça. C'est dans ta classe qu'on s'est rencontrés. T'étais devant moi, je me disais qu'elle est bonne. Combien de fois je t'ai pas maté. Même qu'une fois, je suis tombé dans l'escalier. Un peu comme un gros gogol. Un peu comme un gros gogol. Et dans ta chambre j'ai squatté. Mais je crois que ton père il n'était pas d'accord. Je me rappelle qu'il a voulu me défoncer. Mais le problème c'est que moi je kiffe pas les hommes qui devraient près me collent. Oh, oh, oh, oh. Okay, viens petit kin dans la bagnole. Voilà, et ben voilà, la déclaration est faite. J'espère que ça lui a fait que ça lui aura fait plaisir et que ça aura eu l'effet escompté. Hein. On croise les doigts. J'espère, je me tiendrai au courant. Eh ben écoute, j'y compte bien. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Fun Radio. Avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Bon, et 7h47, on va donc écouter maintenant la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, c'est chaque matin à 7h15, 8h15 et 9h15, les meilleurs messages qui ont été laissés par les plus grands relous de Belgique. Et grâce à vous les filles, puisque c'est vous qui connaissez ce numéro par cœur et qui le refourguez à tous les relous quand ils viennent vous draguer, peut-être en boîte, peut-être dans un bar, peut-être dans un restaurant ou simplement entre copines. Ah, il y en a partout. Hein. Ah, il y en a partout, c'est comme la peste. Même dans un supermarché par exemple. Partout. Bon, donc si vous avez envie de donner ce numéro à tous les relous afin d'être tranquille, vous les filles, 0 473 86 00 13, on écoute maintenant le premier message. Voilà, bonjour, je suis intéressé par votre... offre, j'allais dire, mais par votre annonce. Donc, je vous ai laissé un message. Vous m'avez renvoyé un message sur ma boîte mail avec votre numéro de téléphone. C'est la deuxième fois que je téléphone, donc je n'ai toujours pas de nouvelles. Voilà. Dites-moi quand, à quelle heure et de quelle façon je dois vous téléphoner. Voilà. J'attends de vos nouvelles. À bientôt. Quand, à quelle heure et de quelle façon, hein ? Parce que bon, des fois, c'est que... la façon qui est importante. Voilà. Bon, et là, vous allez vous dire, les filles, même les mecs, oh, ils ont été vaches, il est pas si relou que ça, le petit, etc. C'est sur la longueur, en fait, qu'il est relou. Écoutez bien le deuxième message, c'est encore lui. Bonjour, c'est encore le même garçon. Tu m'avais donné des coordonnées via Internet. Donc, je te retéléphone dans 5 minutes si tu es en train de parler. Sinon, je te téléphone demain, disons à 11h, vers 11h. Donc, je te téléphone dans 5 minutes et demain. Je t'embrasse. Voilà. Le mec, c'est quand même un vrai agenda. Hein. Non, un vrai que... agenda, quoi. C'est-à-dire que le mec, oui, alors dans 5 minutes demain, si tu travailles, non, t'inquiète dans 5 pas, si tu parles. Et demain. Oui, et demain. Et demain. Très oppressant. Ah ouais. Tu sais, t'appelles que... quelqu'un une fois, maximum deux fois, mais tu laisses pas deux messages déjà. Ouais, déjà. Et tu ouais. laisses la personne te rappeler. Exactement. Sauf que là, il peut toujours attendre, le pauvre. Ah, ça me saoule, les mais gens qui m'appellent 10 fois. Mais rassure-toi, il a appelé. Moi, je t'appelle jamais. C'est vrai. Mais t'as pas mon numéro, c'est normal. Ah oui, c'est pour ça. Rassure-toi, il a appelé une troisième fois également. Voilà, comme annoncé, je te téléphone 5 minutes après. Donc demain, je te téléphone, disons, bon, essaie d'avoir ton téléphone ouvert vers 10h30 jusqu'à 11h30, comme ça, on pourra se contacter. Je t'embrasse, à bientôt. Salut, ne me fais pas faux bon, hein. À bientôt. Ne me fais pas faux bon, hein, on sait jamais. Non, hein. Non. Voilà la ligne anti-relou de ce matin. Donc, si vous voulez retenir le numéro pardon, pour donner à tous les relous, évidemment, 0 473 86 00 13. Et on signale aussi un gros bouchon sur la rue Léopold à Courcelles. Ça roule ou pas? Donc, si vous n'êtes pas encore dans la rue Léopold à Courcelles, bah, si vous pouvez éviter, tant qu'à faire, si je puis vous permettre un petit conseil, évitez-la. Voilà. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Nous allons donc continuer à téléphoner maintenant, là. Ça décuve tout doucement, là, non? Ben, pas complètement. Ah oui. Faut vraiment que je trouve une solution. Bon, on a déjà appelé d'autres pharmacies tout à l'heure. On a été à Bruxelles, on a été à Liège. Mais oui, mais ils doivent bien avoir une solution pour que...